Lettre 27e. Raison pour ne pas nommer les individus dont j'ai occasion de parler. Impossibilité d'éviter la politique. Parce que, et quoique, soirée des antithèses. Il me serait fort agréable de pouvoir vous indiquer les noms de différentes personnes dont j'ai fait connaissance à Paris, et j'aimerais décrire avec exactitude les salons dans lesquels je les ai rencontrés. Mais des convenances de tout genre me le défendent. Toutes les fois que les personnes jouissent d'une réputation telle que l'on peut répéter leur nom comme un sujet de conversation ordinaire, je ne m'en fais aucun scrupule. Un retentissement de plus ne peut faire aucun mal. Mais je ne serai jamais la première à nommer une personne au-delà de son propre cercle, soit pour la louer, soit pour la blâmer. Il faut donc que je me borne à vous donner, le plus exactement que je pourrai, une idée générale du ton et du style de ce que je vois et entends. Et si je profite des conversations auxquelles j'assiste, ce sera de façon à éviter tout ce qui pourra ressembler à une allusion personnelle. Toutefois, je ne me soumets pas sans regret à cette contrainte nécessaire. Elle privera une grande partie de ce que j'ai à vous dire du poids que lui redonnait une autorité respectable. Et quand je réfléchis à la différence qui, à plusieurs égards, se trouve entre la manière dont j'étais frappé par les objets et celle qui a été publiquement proclamée par d'autres, je sens qu'il y a réellement quelque mérite de ma part à taire ce qui aurait pu donner à mes paroles un crédit que les assertions d'un simple voyageur ne peuvent guère espérer d'obtenir. Ceux qui savent tout ce que ma discrétion me coûte m'en sauront gré, et je serai suffisamment récompensé du silence que je m'impose si je prouve par là à mes amis que je n'étais pas indigne des flatteuses bontés dont ils m'ont comblé. Nous reconnaissons tous que la politique nous ennuie, et la correspondance d'une femme, surtout, devrait être aussi exempte que possible de ce sujet, qui absorbe l'attention d'une manière si fatigante. Mais si, dans la description morale d'une personne, nous omettions son cœur et sa tête, notre analyse ne serait pas moins défectueuse que si, faisant le portrait des Parisiens d'aujourd'hui, nous n'y accordions point de place à la politique. L'air même qu'ils respirent est imprégné de politique. Si tous les mots qui servent à exprimer les distinctions des partis étaient bannis du langage, si la malédiction de Babel tombait sur eux au point qu'aucun homme ne pût s'entretenir avec son voisin, les sentiments politiques trouveraient encore un organe pour se faire jour. L'un porterait un chapeau pointu et l'autre un chapeau à forme plate. Celle-ci se montrerait avec une ceinture tricolore et celle-là avec une ceinture blanche. On verrait des hommes boutonnés jusqu'au menton et d'autres dont les revers s'ouvriraient avec toute l'expansive liberté républicaine. Une classe ornerait de trophées la colonne de Napoléon, une seconde se prosternerait devant l'autel expiatoire des Bourbons de la branche aînée, une troisième se rangerait sous la sanglante bannière de Robespierre, en chantant la Carmagnole, pendant qu'une quatrième, de beaucoup la plus nombreuse, brosserait ses uniformes de gardes nationaux, veillerait à la prospérité de ses boutiques et ferait, en bon camarade, un signe de tête à Sa Majesté le Roi, toutes les fois qu'il passerait devant sa porte. Quelques-uns de mes amis étant entrés l'autre jour dans un magasin pour marchander quelques meubles, une des voitures de la cour vint à passer et quelqu'un dit « C'est la reine, je crois. »« Oui, monsieur, » répondit l'ébéniste. « C'est la dame qu'il nous plaît aujourd'hui d'appeler la reine, et nous en avons bien le droit, puisque nous l'avons faite nous-mêmes. Et quand elle ne nous conviendra plus, nous en ferons une autre. » Voulez-vous que je vous envoie cette table, monsieur ? Quand la politique se mêle avec tant de légèreté à toutes les occupations de la vie, comment serait-il possible de bannir totalement ce sujet de mes lettres sans me priver du moyen de décrire les choses comme je les vois ? Puisqu'il en est ainsi, je ne saurais vous promettre de ne plus vous entretenir de ce sujet dans ma correspondance, mais je tâcherai cependant de l'y faire prédominer le moins possible. À la vérité, si je pouvais me flatter de rendre exactement le ton léger avec lequel ces matières importantes se traitent en général, le récit que je vous en ferai ne vous ennuierait certainement pas. Je ne sais si cela tient au caractère du peuple, ou si ce n'est qu'un trait passager dans la physionomie du siècle, mais il n'y a rien qui me frappe autant que l'air de gaieté et d'indifférence avec lequel on discute des sujets auxquels tiennent les destinées du monde. Les remarques les plus spirituelles, souvent même les plus profondes, sont proférées du ton du badinage, et le plus ou moins de probabilité d'événements futurs desquels dépendent les plus chers intérêts de la France et de l'Europe tout entière, est calculé d'un air aussi dégagé et avec beaucoup plus de sang-froid que les chances d'une partie d'écarter. Toutefois, je ne m'étonnerais pas si cette apparente indifférence cachait de toutes parts une ferme détermination. Et il se passera bien du temps encore avant que la France puisse être considérée comme une nation unie. Si le pays était divisé en deux parties au lieu de l'être en trois, il est probable que la question de la victoire définitive serait plus tôt décidée. Mais dans l'état actuel des choses, il ressemble beaucoup aux oncles et aux nièces dans le Critique de Sheridan, chaque partie tenant les deux autres en respect. Ce partage des forces est incontestablement favorable au gouvernement actuel, qui tire en outre un grand motif de sécurité de la répugnance qu'éprouve tout le monde, excepté les gamins et les assassins affamés, à troubler la tranquillité présente. Il est évident que ceux qui n'appartiennent pas à la majorité triomphante sont, pour la plupart, disposés à attendre une occasion plus favorable pour se déclarer ouvertement et commencer les hostilités. Et selon toute apparence, ils attendront longtemps. Ils savent fort bien, et tout le leur rappelle sans cesse, que le pouvoir et la force que la possession peut donner appartiennent à la dynastie actuelle, et quoiqu'elle ait sans doute contre elle de grandes et profondes inimitiés, il y a cependant dans tous les partis tant de personnes qui sont fermement d'accord pour résister à toute anarchie ou révolution nouvelle, que le trône de Louis-Philippe repose sur une base aussi solide que celui d'aucun autre monarque de l'Europe. La crainte des troubles est pour lui comme la clé d'une voûte. Elle tient ensemble les autres parties qui, sans elle, se détacheraient infailliblement et s'écrouleraient. Indépendamment de la crainte qu'ils ont de jeter leur maison par terre, il y en a une autre encore qui contribue à produire le même résultat. On m'assure que les jeunes séditieux, qui ont tant aidé à faire naître la confusion dont le résultat a été le détrônement d'un roi et le couronnement d'un autre, sont tout prêts à recommencer, mais ils savent que s'ils l'essaient, on leur donnera bien certainement le fouet. Aussi, quoiqu'ils boudent un peu quand ils sont entre eux, ils se montrent généralement parlant fort tranquilles en public. Tous ceux qui n'ont pas un intérêt direct au renouvellement des désordres doivent se réjouir de cette amélioration dans la discipline. Les gamins de la France sont obligés de plier aujourd'hui devant les hommes faits, et tant que cela durera, on pourra se flatter de conserver la paix et la prospérité du pays. Cependant, on ne saurait nier, je pense, que parmi ces hommes prudents, ces doctrinaires qui tiennent en ce moment le pouvoir, il y en ait beaucoup qui rêvent encore une république, et d'autres qui ne se sont pas encore accoutumés à bannir totalement de leurs méditations la foi, le droit et la fidélité, mais tous s'accordent pour penser qu'il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont que de courir le risque de les rendre pires. Rien n'est plus ordinaire que d'entendre se terminer par l'aveu cordial et unanime de ce sentiment prude et sage, une conversation qui avait commencé par un examen de principes généraux et par des professions de foi qui auraient dû conduire à une conclusion bien différente. Il est assez amusant d'observer comment ces partisans du système d'utilité s'efforcent de trouver des raisons pour que les choses restent dans l'état actuel, en donnant à ces raisons les nuances variées de leurs diverses opinions. Charles X dit illégitimiste par principe, mais à juste milieu dans la pratique, Charles X a abdiqué le trône qui lui appartient incontestablement par son droit imprescriptible. Son héritier présomptif a suivi son exemple. Le pays n'était pas dans une situation à être gouverné par un enfant. Quelle autre partie nous restait-il donc à prendre que de choisir un roi dans cette même race qui depuis tant de siècles occupait le trône de France? Louis-Philippe est roi parce qu'il est bourbon. Pardonnez-moi, répond un autre, qui cherche à prouver, autant que cela peut se faire sans troubler la tranquillité qui l'entoure, que la seule légitimité que la France veuille admettre aujourd'hui est celle d'une monarchie élective. Pardonnez-moi, mon ami, Louis-Philippe est roi, quoi qu'il soit bourbon. Ces deux parties, des parce que et des quoique, forment en réalité les grands appuis du trône de Louis-Philippe. Car tous deux se composent de citoyens pleins d'expériences pratiques, riches, qui, ayant connu les horreurs de l'anarchie, consentent à laisser leurs opinions particulières dans le vague, de peur de la ramener. Ce sont eux qui forment ce véritable juste milieu, sur lequel le gouvernement actuel se tient en équilibre. Je conviens sans peine qu'il y a dans ce parti plus de prudence pratique qu'il n'y a de dignité de principe. Ils sont plus sages dans leur génération que les enfants de la lumière. Mais il est difficile, et ayant vu ce que nous avons vu et voyant ce que nous voyons, de porter un arrêt de condamnation bien sévère contre un système qui, pour le moment du moins, met en sûreté la vie et le bien-être de tant de millions d'hommes. On prétend que mon ami le baron a ébranlé mes principes légitimistes, mais je nie l'accusation, quoique je n'ai pas le courage de souhaiter de sang-froid que la confusion prenne la place de l'ordre, ou que la désolation d'une guerre civile vienne souiller l'aspect d'une prospérité qu'il est si doux de contempler. Cette opposition entre ce qui est juste et ce qui est utile, cette incertitude de principe et d'action, est la conséquence inévitable d'une longue suite de convulsions politiques. Quand les temps se détraquent, l'esprit humain peut difficilement demeurer ferme et immuable. L'inconcevable variété de spéculations folles et changeantes qui ont étouffé en France la voie des croyances établies et de l'autorité reconnue ont mis les principes du peuple dans un état qui ressemble à ces cercles magiques qui, quand ils sont en repos, offrent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui n'ont plus de couleur du tout quand on les fait tourner avec un mouvement rapide. La dernière soirée que j'ai passée était chez une dame qui se donne avec beaucoup de peine pour me faire voir ce qu'elle appelle le Paris d'aujourd'hui. « Ma chère dame, s'écria-t-elle en me voyant entrer, j'ai réuni ce soir pour vous une société délicieuse. » Elle était venue au-devant de moi jusque dans l'antichambre, et mettant mon bras dans le sien, elle me fit entrer dans le salon. Il était déjà plein, et la société se composait principalement d'hommes. M'ayant fait asseoir sur un canapé, elle se plaça à côté de moi et me dit « Je vous présenterai toutes les personnes dont vous désirerez faire la connaissance, mais auparavant il faut que je vous dise qui elles sont. » J'exprimai ma reconnaissance et elle commença. « Ce grand monsieur est un zélé républicain et sans contredit l'un des plus honorables de la clique. Son parti est presque usé parmi les gens comme il faut. Son père est de la même opinion que lui et plus ardent encore. Dieu sait où ils veulent en venir. Mais ils sont tous deux députés, et si l'un des deux, soit le père ou le fils, venait à mourir demain, leur convoi serait suivi jusqu'au Père-Lachaise par une foule considérable, sans compter la nécessité absolue qu'il y aurait de faire mettre des détachements de troupes sous les armes. C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas? Je sais que vous les haïssez tous, et à vous dire la vérité, j'en fais autant. Mais, ma chère dame, qu'est-ce que cela fait? J'ai pensé que vous seriez bien aise d'en voir. Je vous assure que les républicains commencent à devenir fort rares dans les salons. » Je lui répondis qu'elle avait parfaitement deviné, et que dans tout le jardin des plantes, il n'y avait pas d'animal que je fusse plus curieuse de contempler. « Ah, ça, reprit-elle en riant, voilà ce que c'est que d'être raisonnable. Mais regardez ce beau garçon qui s'appuie sur la cheminée. Il est du nombre des fidèles sans tache. N'est-il pas beau? Il vient à toutes mes réunions, et les femmes des ministres elles-mêmes déclarent qu'il est vraiment charmant. Et ce petit vieillard en noir qui a l'air si singulier, demandai-je, qui est-il? Quel contraste, n'est-ce pas? Ne vont-ils pas bien ensemble? C'est là précisément ce que j'aime. Cela amuse tout le monde. Je vous assure que c'est un homme fort remarquable. En un mot, c'est monsieur le célébraté. Il écrit dans le... Mais l'Institut n'a pas voulu de lui. Cela n'empêche pas qu'on ne parle beaucoup de lui, et c'est là le principal. J'ai aussi deux pairs de France, fort distingués tous deux. Celui-ci est monsieur de... qui est, comme vous le savez, le bras droit du roi Louis-Philippe. Et ce monsieur qui vient de prendre place immédiatement derrière lui est le cher duc de... qui a vécu pendant des siècles dans l'exil avec Louis XVIII. Cette personne qui vous touche presque le coude et qui cause avec cette dame en robe bleue est le comte de P, homme d'une piété exemplaire qui suivait toutes les processions avec Charles X. La révolution lui a presque fait perdre la tête. Mais on dit qu'il va dîner la semaine prochaine avec le roi Louis-Philippe. J'ai la plus grande envie de lui demander si c'est vrai. Mais je n'ose, de peur qu'il ne soit obligé de me répondre que oui. Et cela serait si embarrassant. Mais à propos, la personne que vous regardez en ce moment est aussi un pair de France, qui a refusé de juger les accusés d'avril. N'ai-je pas fait l'impossible pour vous? Je lui fis de sincères remerciements, Et comme je savais que le plus grand plaisir que je puisse lui faire était de prendre intérêt à sa ménagerie, je lui demandai le nom d'une dame qui causait avec beaucoup de véhémence à l'autre extrémité du salon. « Oh, c'est là une personne que j'appelle toujours Madame de l'Empire. » Son mari était une des créations de Napoléon, et Joséphine s'amusait toujours à la faire causer. Son langage et son accent sont impayables. « Et cette jolie femme, dans ce coin du salon ? Ah, elle est charmante. C'est Madame V, fille du célèbre vicomte de... si dévouée, comme vous savez, à la cause royale. Mais elle a épousé depuis peu un des ministres actuels. C'est un mariage d'inclination, innovation que l'on pardonne plus facilement en France que l'élévation au trône d'une nouvelle dynastie, mais c'est égal. Ils sont tous réconciliés. Maintenant, dites-moi, à qui voulez-vous que je vous présente ? » Je choisis l'héroïne du mariage d'inclination, qui était non seulement une des plus jolies personnes que j'eusse jamais vues, mais encore si enjouée, si spirituelle, si aimable, que j'ai passé peu de moments plus agréables dans ma vie que ceux qui suivirent ma présentation. Toute cette société hétérogène avait l'air de se mêler ensemble avec la plus parfaite harmonie. Le seul coup d'œil glacé que je remarquais fut celui que la personne que l'on m'avait désignée comme le bras droit de Louis-Philippe lança au grand député républicain, au convoi duquel, à croire mon ami, tant d'honneurs sont réservés. La dame de l'Empire écoutait les doux propos d'un père sans tache, et je vis les doigts du zélé catholique qui devait dîner avec le roi Louis-Philippe se glisser dans la tabatière du fameux athée.